en bande jamais seul pour cacher leur solitude. Les petits garçons, ma gêne et leur odeur, ma déraison dans leur sourire moqueur. Les petits garçons qui veulent toujours gagner, qui sont déjà prêts à tricher. Ah ah ah. Les petits garçons, les petits.